une dernière fois toi et moi, hello. Main dans la main dans le noir, oh hello. Pour y jurer je te ferai toucher les étoiles. Oh hello, hello. Oh hello. Téléphone n'a pas, ouais, écris-moi. la se pa dekouplim Sou to mwen Sou mwen mwen biske tout sa ta pale Arc-en-ciel 96.2 pour tous les fanatiques de Compas. C'était bien sûr harmonique avec ce titre pas négocié. Du compas, on va en avoir beaucoup ce soir. Du live, beaucoup de live. Ah, je suis sûre que vous allez apprécier ce grand moment tout à l'heure. Ah, vers 19h, vous inquiétez pas. Nouveauté. Nouveauté qui déchire, comme on dit. Allez, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, ça continue comme ça. Oh, 02-38-43-48-00, un petit coucou, une petite dédicace, n'hésitez pas. J'espère que t'es armé, on va danser sur les collets. Je veux danser toute la nuit, sur une scène fragile. Je veux danser toute la nuit, je veux du sensual. Stop, stop, les bébés elles veulent rentrer dans ta job, job. Les bébés elles vont juste rentrer sans son. Mais vas-y, laisse ta fais monter le son, son, son. Son, son, son, son, solo, solo, solo. Solo, c'est ça qu'on veut. On va voir sur les solo, solo, solo. Parce que c'est solo qui fait péter le bouillata. Solo, solo, solo. Ouais, ouais, solo. C'est ça qu'on veut. On va voir sur les solo, solo, solo. Parce que c'est solo qui fait péter le bouillata. On est pas et ça parce que c'est nos deux. Alors entre pas dans les blagues pour s'étendre. Mais au calme, toi et moi on devrait s'avouer. C'est fusionner les. Si c'est tout plié, moi je veux des fanatiques en pas pour crier. Donne-moi des couillades, ces chaînes sont vétées. Tu comptes pas dans ma vie. Stop, stop, les bébés elles veulent rentrer dans ta cha-cha. Les bébés elles vont juste montrer son son. Mais vas-y, laisse ta fais monter le son, son, son. Son, son, son, son, son, son, solo, solo, solo. Ouais, ouais, solo. C'est ça qu'on veut. On va voir sur les solo, solo. Solo, parce que c'est solo qui fait péter le bouillata. Solo, solo, solo, ouais, ouais, solo. C'est ça qu'on veut, on va voir sur les solo, solo, solo. Parce que c'est solo qui fait péter le bouillata. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut, c'est ça. Baby, donne-moi ce qu'il y a dans tes pensées. Baby, donne-moi si tu peux m'en. Tout sucre, tout miel, elle est comme ça la musique, comme ça la musique, sur Arc-en-Ciel. Sa choudali, contempler le terrain tout ça toute la nuit, faire tourner mon corps comme une aiguille. Il agit comme s'il voulait qu'il y ait tsunami. Il voulait faire de moi sa choudali, agir en mari et pas comme mon ami. Moi je l'ai recalé comme si c'était pas permis. Aujourd'hui je me retrouve à craquer pour lui.

Arc-en-Ciel 96.2 dans votre émission Groupe Tropical. J'étais en ton micro, on l'entend beaucoup en ce moment quand même, hein, sur les ondes, sur toutes les ondes d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. Et c'était le titre Parle-moi avec Annie Alert sur le 96.2. La musique continue avec plein de bonnes choses comme ça, du compas mais aussi du bon zouk. Nouveauté, Mademoiselle Jessie Bébéval, et c'est le titre Doucement. C'est tout chaud, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. Mon dos, tu veux casser, tu pensais qu'à ça. Chérie, t'es perdu, mauvais chemin, c'est pas ça. L'affaire est glacée, dossier incassable. Tes frères déplacés, garde-le pour tes tanas. J'avoue, t'es mimi, mais crois pas que j'suis en manque d'attention. J'suis pas nana facile, même si mon corps te donne l'impression. Bébé, doucement, tout tourne autour de toi. C'est pas comme ça qu'on fait garçon. Tu vois pas que nous deux c'est mort. Dépasse pas les limites. Bébé, tranquillement, tu tournes trop autour de moi. Mais t'es cramé, mauvais garçon. Éloigne-toi de moi, c'est mort. Attends. Désolé, faux départ. J'ai pas le temps pour les sentiments, non. J'suis pas celle que tu crois, j'suis pas celle. T'éviter, banalité, je t'ai pas quitté, j'ai pas fatigué, je vais t'éviter, banalité, je t'ai pas quitté, non, non. Bébé, doucement, tout tourne autour de toi, c'est pas comme ça qu'on fait garçon. Tu vois pas que nous deux c'est mort, dépasse pas les limites. Bébé, tranquillement, tu tournes trop autour de moi, mais t'es cramé. Vous m'avez fait, vous m'avez découvert, vous m'avez fait. C'est le 96.2 de Karimi Nostalgie. Ah, ça fait du bien, ça. Ça décrasse, hein, quand même. Allez, c'était votre premier live du soir. Il y en aura d'autres tout à l'heure avant 20h sur le 96.2. On continue comme ça. Tiens, une petite nouveauté encore. Christian Yeye, monsieur Christian Naran, deux Christian pour le prix d'un avec ce titre. Enfin, c'est la vie. Ah, il a tout à fait raison. Ben ouais, s'il veut. Un petit décalage. Allez, 18h-20h, votre émission Groupe Tropical, c'est Chantal qui vous accompagne. Que ça m'a passé. Pourtant, la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Didn't see the context that I fell for a boy with a God complex. Really had me working overtime, 'cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires, vampires sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know how one can be so cold, baby. A one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Don't try, not a waste of time. He's a one-track mind, my mind. So what do I do? So what do I do? So what do I do? I'm gonna take myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Give you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. Ou pas vétendre, ou pas ouais que ces garçons ça pas mérité. Ou get wap shine, chérie, ou quoi fly. Dilly bye bye, baby, nous sommes l'autre bagaille. La guéli, la guéli, la guéli. Pas vétiser, pas vétiser. La guéli, la guéli, la guéli. Jan pou mrive sou hey. Mbo feeling nan ou depi sou prene kontak hey, hey. Ou din bagi menm laj, chwet sa palon abitidou. Sivanyo, Sivanyo, kalma o. Ou eti jen sal kame toka o. Fe adrenalin ou rive la o. Toutou la o. Sivanyo, Sivanyo, kalma o. Ou eti jen sal kame toka. Silvanio, Silvanio. perpétuel combat. La vie c'est un combat lié. C'est goût mais pour vivre sans vie. C'est qu'un cap caché. Chaque fois moi on fait, moi on seul, cap souffri. Arc-en-ciel 96.2 dans votre émission Groove Tropical. C'était Steve Move avec Live. Du compas, beaucoup de compas ce soir, mais pas que. Eh ben non, petit retour en arrière. Tiens, petite séquence souvenir. Je suis sûre que vous avez zooké sur ce titre. David Ramen, écoutez ça, Collé Série. Beaucoup de nostalgie en tout cas sur le 96.2. 18h-20h, c'est Chantal qui vous accompagne et c'est Groove Tropical. Est-ce que tu me diras combien tu m'aimes chaque jour sans se soucier du temps? Je marcherai sur tes pas, toujours fidèle. T'aimerai certainement jusqu'à la fin. Quand nos corps se caresseront. L'ennemi t'lan descend, silence l'a envahi nous. Moi senti souffle ou caprice sous pomme, li fait frissonner. Moi pas besoin de lumière, m'connais chaque ligne encore paquet. Moi v'le développer un embras, fait oublier tout ça qu'a passé dehors. Attention, si c'est le paradis côté, moi v'le rester. Chaque fois au garder, senti c'est où qui fait m'exister. Ma protéger, courant l'amour, non, pour personne, pas comprise. Chérie, celle où m'a pas adoré, même si m'passait tout semble l'église. Où c'est mon pomme, c'est celle moi qui met tout. Moi v'le noyer dans tout ciel, moi v'le pète non. C'est pas seulement yon dit. C'est un seul qu'on nous fait. Moi égoïste pour moi fleur pour moi tout l'est. Mon pamna sans partager. Chaque seconde en temps, chaque souris qu'a fait, parce que chaque instant beau côté où c'est en fait. Moi pas vle faire son l'autre vin goûter dans jardin secret, non. Où son parfum qu'a prêté collé sous forme toute la journée. Moi vle faire tourner prisonnier l'amour, sans pas jamais la guerre. Parce que pour j'ai pu prendre, qui t'aime tant de cœur qu'à battre fort. Moi, je l'ai caressé dans mon avant même moi toucher corps. Chaque petit caresse, chaque petit beau si on peut elle n'a pas écrit. Moi, je veux sentir en sécurité. Moi, je veux sentir qu'elle a fleuri. Moi, pas blé ou loin. Vision me suspend sous visage ou. Où c'est celle réalité. Laisse mon l'influ pour moi. Conscient 96 mais de waouh, quelle belle douceur. Bon, déjà que j'ai mis deux artistes séparément, alors là ensemble, waouh, c'est le feu hein. C'était bien sûr monsieur Pedro Force du groupe Jopote avec Misty Jean sur le 96. Waouh, et ben ça part plus vite que j'ai pensé. Allez, 18h-20h, Jean-Paul qui vous accompagne, c'est du live jusqu'à 20h dans votre émission Groupe Tropical. Tout de suite, eh bien, c'est le groupe classe, Coren là. Allez, mettez tous à bout. Tous les fanatiques, c'est parti. Je suis le tada. Ma désidée, fais de moi ton prisonnier, fais moi de ton amour sans fin. Dis-moi donc, des prières, des chansons, des vendées chéries, je fais habiter ton cœur. Oui, je veux te mettre toute ma vie. Croisez-moi, la la la la la la. qui vont. essentiel dans votre émission Groupe Tropical, séquence souvenir avec bien sûr les frères Dijon. Oh, que viva la musique! Que du bon. Allez, restez bien calés sur le 96.2 de tous les fanatiques du compas. On va continuer comme ça, tiens, avec Shabba, T-Vice, etc., etc. Avec le titre que vous connaissez tous très bien, puisque c'est Police, sur le 96.2. Sinon, c'est pas Police, parce qu'il ne veut pas y aller. Oh là là, j'ai du mal ce soir, je vous le dis. Bon, c'est pas grave. Soit dans la misère, je te la... C'est la joie. C'est là nous dans la peine que nous retrouvons toute fin en nous. Soyons solidaires. Solidarité, solide amitié dans nos sonorités. Pour les sinistrés, le cœur et le sourire sont sollicités. Mis hermanos caribeños, les mando fuerza y mucho amor. L'ouragan nous a frappés, malgré tout on va se taper. Pour rester fort et fier et retrouver à nouveau la paix. Le soleil revient toujours après la pluie. Sèche tes larmes, we will smile. Souffrance unanime, c'est avec nos voix qu'on réanime. Villes qui sont abîmées dans nos îles des Caraïbes. Et reconstruire à zéro toute une vie terrassée. Pour voir sourire de nouveau, n'ont-ils pas mérité? Rebâtir, reconstruire, font partie de la nature. Tous ensemble en action, reconstruisons le futur. Des cris, des douleurs. Oh. L'espoir peut nourrir ce qui a été brisé. Pour planter ce qui a été déraciné. La seule défaite, c'est de ne pas se relever. Tout le monde le poing levé, tu nous referas rêver. Fuerza, esperanza, el Caribe se levanta. Éprouver, mais toujours debout, rebâtir bout à bout. La nature a réveillé nos instincts, avalé d'un revers de la main. We've been waiting to live for a night, but joy will come in the morning light. All we wanted is to make it out alive. Nowhere else to hide. We were riding through the eye. We will smile again. We will smile. We will smile. We will smile again. We will smile again. We will smile. We will smile. We will smile again. Please, force, tiens mes raids. Pamoli, Pamoli. Arc-en-ciel, arc-en-ciel, en harmonie. La FM en couleur, en couleur. Happy birthday, Gary Sheridan, I've been mwen pa ka kontole mwen pa. avait prévu. Hein. On s'y attendait pas, celle-là. Hein. T-Vice, en live. C'est il y a tout juste un mois. C'était pas ici, hein. Vous pensez bien. Allez, 96 mois de... Oh, mais accès, ça, c'est bon. O fanático vai só. O fanático vai só. Yeah. Opa. Vem, opa. Opa. A voi. Alors, Zianès, à l'école. dit Haïti, c'est le pays, on parle, c'est le pays, tout bon. Combien de dans la rue Haïti, chérie? Allez, Haïti, c'est dans la tout le monde qui est Haïti, chérie, qui parle Haïti, grâce à l'événement, dans la dans la rue, la moi. Ok, ok, ok, baissez-moi. Nous marchons bien ensemble, nous marchons bien ensemble. Haïti, pas crasé. Show you everything I do for you. My love, you just blow my mind. I treat you like a queen, that's what you're worth. So take the chance, enjoy the ride, and I can make it work. Just let me know. C'est 96.2, et bah, il est presque 20h hein, sur la FM tout en couleur. Il est l'heure de... Il est l'heure pour moi de vous quitter. J'y suis arrivée. Je vous retrouve bien entendu jeudi prochain, 18h, 20h, même heure, même soleil, même ambiance. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye. La FM en couleur. À semelhança do que vai acontecer também, claro, com as declarações ao país do primeiro-ministro Luís Montenegro. Estamos a caminho das 7 da tarde. 7 horas no continente e na Madeira, 6 nos Açores.